pas ces misères. On est jamais même. Et t'y crois pas. Mais à l'équité, à mon avis, ni chargé. Le nom des faits que même. Que moi c'était tigre. Le nom t'es fait grimer. Tigre, moi c'était tigre. Pour vivre dans mon dégoûtant. Aïe, maman chérie. Aïe, maman chérie, où m'est allé? M'a senti moins délivré. Où m'est allé? M'a senti moins délivré. Senti moins délire.